perdite file. Dans cet étrange univers, dites-moi comment faire pour gagner en sérénité. Des espaces solitaires où tu peux te taire. À la nouvelle carrière, s'y plaît, au moins s'y habituer. Mes parents sont partis, je les avais bien vus venir, mais c'est la fin du cycle. Ils m'ont laissé quelques repères, à pied, à bicyclette, plus personne pour m'escorter.